Hier, le Canadien a surpris bien du monde hier en congédiant en fin de soirée l'instructeur des gardiens de but, Stephen Waite, et alors remplacé par l'ancien gardien de but de la Ligue nationale, Sean Burke. Et on va parler avec un ancien gardien de but de la Ligue nationale qui a joué avec les Flyers de Philadelphie. On l'a également connu avec on l'a également connu avec les Ducks d'Anaheim de Dominique Roussel. Bon après-midi, Dominique. Bon après-midi. Dominique, est-ce que tu as été surpris dans l'ensemble de la nouvelle d'hier? Oui, j'ai été surpris. Surtout que ça s'est pas fait en même temps que le congé du vent de Claude Julien. Chose que normalement, la façon que les choses vont se passer. Puis aussi, le fait que quand Carey Price est arrivé dans la ligue, il y avait beaucoup de petites lacunes, malgré qu'il y a beaucoup de talent. Quand Stéphane et Wade est arrivé là, il a fait beaucoup de corrections assez rapides. Puis on a vu Carey vraiment s'améliorer, changer des choses dans son jeu. Donc, moi, je trouvais que c'était une raison pourquoi Carey avait monté son jeu de niveau. C'est sûr que plus dernièrement, c'était plus difficile. Mais par contre, quand on a un bon entraîneur de gardien de but, souvent on essaie de le garder. Mais une chose, par contre, qu'il faut que j'ajoute, c'est que c'est certain que Sean Burke, il a fait ses preuves comme entraîneur de gardien de but dans la Ligue nationale. Il est allé avec Mike Smith, il est allé avec Brice Galoff devant le filet également. Oui, il a Donc en fait, coaché c'est pas. aussi, il a coaché aussi Jimmy Waite, le frère à Stéphane, Avec. en Arizona avec, je pense que c'était Harry Bowen qui était là, puis il avait fait tout un job. Jimmy Wade, je me souviens, s'était énormément amélioré. Il était devenu un deuxième goaler solide dans la ligue. Puis Abby Bowen, il avait monté d'une coche lui aussi. Donc, on voit son travail qu'il a fait dans la ligue depuis le début. Fait que puis aussi, Sean Burke, c'est un mot que je connais personnellement. C'est un gars qui a beaucoup de poigne. C'est un gars qui est solide, fort, qui n'aura pas peur de dire ce qu'il a à dire à Carey, parce que ça peut être intimidant pour un entraîneur de garder le coach un gars comme Carey. Mais dans le cas de Sean Burke, ce ne sera pas un problème. Puis pour ce qui est de Carey, ben, c'est sûr que d'après moi, là, il va écouter Sean, puis il va suivre ses directives. Dominique, est-ce que dans ta carrière, as-tu connu un changement de gardien, d'instructeur des gardiens de but durant la saison comme ça? Durant la saison, non, c'est jamais arrivé durant la saison. En fin de saison, là, la saison estivale, oui, mais non, pendant la saison, ce n'est OK. pas arrivé. J'ai pas non plus vu ça, mais ben souvent, comme je disais tantôt, souvent, c'est le groupe d'entraîneurs qui s'en va au Ben oui. complet. Là, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que c'est ça qui fait que c'est un petit peu ambigu, mais peut-être que Marc Bergevin a besoin peut-être d'une couple de jours de plus là, pour faire sa réflexion. Est-ce Ça se pose que, beaucoup de choses. oui, est-ce que le discours d'un gardien de but, une nouvelle mentalité, nouvelle approche, on le voit au tennis, quand que, on l'a vu avec Félix Auger-Aliassime, il a congédié son entraîneur et ça faisait longtemps qu'il était là. Est-ce que ça peut avoir un impact? Tu sais, des fois, à un moment donné, tu dis le message passe plus, la nouvelle technique, c'est pas une question de personnalité, c'est pas une question, c'est simplement que peut-être qu'il y a peut-être trop la routine qui s'est installée entre les deux, là. Oui, ben il y a une possibilité parce que veux pas, n'importe quel entraîneur, il va répéter souvent les mêmes choses, toutes les choses de base. On va travailler les points techniques plus avancés dans les entraînements, mais par contre, on a un message à passer de base, vraiment pour garder une certaine base dans le jeu. Donc, on répète, on répète, on répète. Quand ça fait 10 ans que le gardien entend la même chose, des fois ça a un petit peu moins d'impact. Puis l'autre côté aussi qui peut se passer des fois, c'est que l'entraîneur, le gardien de but, il devient un petit peu trop amical avec le gardien de but, sans le vouloir, évidemment. Puis des fois, en essayant de changer un petit peu l'approche pour que ça continue de fonctionner. Ça, des fois, ça peut avoir un impact négatif pour que le message passe dans le fond, là, c'est plus difficile des fois à cause de ça. OK. Si on parlait un peu de comment tu trouves ça, est-ce que le fait que Marc Bergevin est à sa dernière année de contrat, ça explique également bien des affaires. Il y a une pression de gagner à Montréal là, cette année-là. Un, il a investi. Deux, Bergevin est à sa dernière année de contrat. On me dit que c'est pas vraiment, ça a aucun lien, sauf que quelque part, on veut toujours que Bergevin, il doit passer à ça aussi. Ça doit avoir un lien également, là. Ben, il pense, il n'y a pas de nouvelles de la haute direction, mais par contre, s'il est en contact avec la haute direction régulièrement, il y a des conversations avec M. Molson, dans ce cas-là, Peut-être que M. Monson, il a déjà donné carte blanche, puis il a déjà dit je te re-signe. Fait qu'on, ça, on ne le sait pas. Mais une chose, par exemple, moi, je pense qui est plus un facteur, c'est la saison écourtée, puis les matchs rapprochés comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on joue tellement de matchs en pas longtemps qu'il faut gagner, puis il n'y a pas beaucoup de matchs justement pour faire les séries, puis tu peux pas être longtemps là, sur une. Tu peux pas glisser là, puis avoir, comme le Canadien ont lu, 5 défaites d'affiche, je pense que c'était. Tu glisses au classement rapidement, puis c'est difficile de remonter quand on n'a pas beaucoup de matchs. Donc, ça met de la pression sur les dirigeants, les situations qu'il faut absolument gagner. Puis pas tomber justement dans un marasme, là, puis commencer à perdre des matchs en collant un arrêt à l'autre. Le fait qu'il gagne 10 millions également, ça tient un lien, ça a certainement un lien. Là. C'est le joueur de franchise, le gars, faut qu'il produise. Là. Moi, je pense que oui, c'est peut-être pas plus le montant d'argent, mais plus, comme tu as dit, exactement, tu as raison, le joueur de franchise. Si tu regardes le travail de la Ligue nationale, peu importe si c'est un joueur d'avant, défenseur, gardien de but, un joueur de franchise, c'est lui qui transporte l'équipe normalement. Fait que pour ce qui est de Carey, un joueur de franchise, il devrait être capable d'aller voler des matchs. Tu sais, sur une dizaine de matchs, il devrait être capable de voler 2-3 matchs là-dedans, chose qui s'est pas passée depuis les séries l'année passée. C'est sûr que l'équipe investit beaucoup, pas seulement en argent, mais en temps et en énergie. Puis compte sur leurs joueurs de franchise pour les aider à remporter plus de matchs que la moyenne. Donc, c'est ça aussi, c'est un facteur important, c'est certain. Dominique, tu as parlé de Schomburg. Parle-moi de Schomburg. Tu en as parlé un peu au début. Il peut apporter le fait que c'est un gardien de but qui a quand même performé. L'autre, il n'est pas un gardien de but. Donc, on dit tout le temps que les gardiens de but, c'est une espèce. C'est des gens à part, un peu comme un carrière au football, c'est un peu la même affaire. Le fait qu'il ait été gardien de but, qui a connu quand même certains succès, là, c'était pas, je me rappelle de lui, c'était pas nécessairement le gardien de but qu'on anticipait, mais il était un bon gardien de but dans l'année. Ça peut aider Carey Price. Oui, c'est certain, je veux dire. Tu sais, premièrement, Sean Burke, c'est un gars qui a changé son style pendant sa carrière. C'est un gardien qui voulait. Hybride, faisait des arrêts debout, des arrêts demi-papillon, tout ça. Puis il a changé son style, étant donné que le jeu a changé dans la ligue, un peu comme moi. Puis les gardiens qui l'ont fait, ont prolongé leur carrière, comme Grant Fuhr aussi avait fait la même chose. Donc, il a changé son style. Donc, il connaît le hockey moderne, il connaît les nouvelles techniques. Fait qu'il a eu du succès comme gardien de but, mais aussi du succès comme entraîneur. Fait que ça, c'est certain que pour un gars comme Carey Price, il va avoir un respect immédiat. Le fait, évidemment, comme tu dis, le gars, c'est un gardien de but, il a joué. Fait que ça peut aider. Ça peut aider. Il y a des gardiens de but qui m'ont dit des fois que j'aime ça, le fait que tu as joué, parce que tu comprends qu'est-ce qu'on ressent, là, puis qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Mais c'est pas une obligation, c'est autant de François Allaire qui a pas joué dans la Ligue nationale, puis qu'il est au temple de la renommée, et il était capable de communiquer ce qu'il avait à communiquer. Mais exactement, c'est François, si on peut comparer François avec Schomburg, François Allaire, il avait beaucoup de points. Moi, il était mon entraîneur 3 saisons avec les Ducks d'Anaheim. Puis c'est un gars que je connais depuis 9 ans, puis j'ai travaillé avec dans son école de hockey, donc je le connaissais bien. Mais quand on a marqué sa glace, on était à l'aréna, c'était pas mon ami, c'était mon entraîneur. Puis il était direct, précis, puis business is business, comme on dit. Je pense que Schomburg, c'est un peu la même chose. De son côté, il est capable de prendre un gars, un vétéran, que ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, qui a eu du succès, puis le convaincre des choses à travailler. Puis ça, c'est très important, parce que des fois, quand on est dans la Ligue nationale, on a du succès, on pense qu'on a tout ce qu'on a besoin, on a tous les outils. Mais des fois, on a peur de tenter des nouvelles choses, puis avec un entraîneur comme Sean Burke ou un gars comme François Allaire, on écoute ce qu'il nous dit, on le sait, puis la plupart du temps, ça va fonctionner. OK. Dernière question. Larry Brooks du New York Post cette semaine a lancé un débat sur est-ce que Carey Price doit être au temple de la renommée. Moi, je dis que non. Tu sais, quelque part, il a pas prouvé que c'est un gardien de but dominant. Moi, selon moi, là, c'est très overrated. Excusez-moi l'expression anglicisme. Dans le cas de Carey Price, regarde ses chiffres, c'est pas. À part une saison qui a été vraiment dominant, le Hart et le Vezina, le reste, on peut pas dire que ça a été le grand gardien de but. On est loin d'Hachek ou Patrick Roy ou Martin Brodeur. Toi, c'est que tu en penses? C'est ton opinion. Ben, Carey, si on regarde son parcours, là, même sans regarder les statistiques, c'est facile de voir qu'il y a des hauts et des bas. Ouais. Même au cours d'une saison, il peut être la misère au début de la saison pendant un mois, après ça, il revient pendant quelques mois, après ça, ça commence à être difficile encore pendant un mois. Fait que des hauts et des bas en saison, mais aussi des hauts et des bas en carrière. Donc, une bonne saison, une moins bonne, ainsi de suite. Puis pour le comparer justement à des gars qui sont au temple de la renommée, si on regarde la carrière de Patrick Roy, Martin Brodeur, des gars comme ça, on peut en nommer plusieurs, c'est des gars qui étaient vraiment réguliers dans leur performance. Il y avait tout le temps des bonnes saisons, tout le temps, rarement des longues léthargies là, pendant la saison, puis moins de hauts et de bas, c'est plus des hauts que des bas. Fait que c'est pour ça que je dirais non. Par contre, son talent, le fait qu'il est évalué si haut, il y a deux choses. Premièrement, son talent. Il est définitivement un des gardiens de but qui a plus de talent que j'ai jamais vu jouer. Deuxièmement, tous les nouveaux jeunes gardiens qui arrivent dans la Ligue nationale, ils regardaient Carey pour voir ce qu'il faisait, puis pour finir leur technique. Puis dans le fond, Carey a un peu changé la position de gardien de but. Pas changé, mais amélioré la position de gardien de but. D'après sa façon de se déplacer, sa façon de bouger, tout ça. Fait que ça, c'est un facteur qui fait que ça va jouer pour lui. Mais pour ce qui est du temple de la renommée, je te dirais pas encore, mais peut-être. S'il a des bonnes saisons, finit bien sa carrière solide, s'il gagne une Coupe Stanley, ça va tout changer. Ben, c'est ça, il faut qu'il gagne la Coupe Stanley. Il faut qu'il vole. Dans sa carrière, il a fait une. Tant qu'à moi, il a fait la différence dans une série. C'est l'année passée contre les Penguins de Pittsburgh, qui n'était pas une série, là, mais qui était comme une espèce d'entre-deux. Là. On peut dire qu'il était vraiment, vraiment, vraiment dominant. Le reste, est-ce que le fait qu'il était gardien de but du Canadien de Montréal? Est-ce que c'est. J'en parlais justement avec un ce matin. C'est à peu près comme être le carrière des Cowboys de Dallas, le titulaire du FC Barcelone. T'as plus de visibilité, t'as plus de notoriété. Tu sais, je prends l'exemple de Marc-André Fleury. Là. Moi, je vais prendre Marc-André Fleury ben avant Carey Price. Puis, il n'y a pas la même aura autour de lui dans la Ligue nationale. Là. Est-ce que le fait qu'il a gardé à Montréal, ça lui montre cette réputation-là? Ouais, ça, c'est certain pour ce qui est de la visibilité. Oui, hein. Certains, mais tu sais aussi, il y en a qui parlent, devrait être au temple de renommée ou non, mais la question se soulève justement parce qu'il joue pour le Canadien. Puis pas seulement qu'il joue pour le Canadien maintenant, mais une longue carrière avec le Canadien. Puis ça, c'est pas facile. Jouer pour le Canadien de Montréal, c'est l'endroit le plus difficile à jouer, mais encore plus pour un gardien de but. Il y a des gars qui. Y a Patrick Roy qui a duré longtemps, mais on regarde d'autres gars. Le fait que c'est un anglophone, ça l'a aidé. Je regarde José Théodore et Patrick Roy, ils ont été sortis de Montréal. Oui, c'est ça. Fait que Carey, sa longévité l'aide beaucoup pour sa réputation aussi. Mais encore là, il reste encore du temps. Je pense qu'il est capable de jouer encore longtemps. C'est pas un gardien qui est blessé souvent, là, surtout dans les dernières années. Ouais. Donc, il est encore là, puis il y a aussi le fait que c'est un jeu d'équipe, il ne faut pas jamais oublier ça. Du côté défensif pour le Canadien, depuis qu'il est arrivé, ça n'a pas été très solide devant lui. Il y a eu beaucoup de chances de marquer contre lui. Si on regarde le dernier match contre Ottawa, c'était pas la même chose. T'sais, il y avait une défensive devant lui, on protégeait l'enclave. On empêchait les joueurs de faire deux ou trois passes à travers l'enclave. À ce moment-là, il est allé à gagner, c'est certain. Là. Fait que, pour même avec un gardien de but. Fait que, c'est juste que si on regarde Patrick Roy. Là. Ben Dominique, merci beaucoup et au plaisir de se parler. Voilà, donc c'était l'ancien gardien de but des Flyers de Philadelphie, des Ducks de Lane, Dominique Roussel.